J'ai pris mes rêves sous le bras, j'ai fermé mon passé. J'ai laissé derrière moi ce que je m'ai oublié. On m'a dit de faire attention, de pas courir trop vite. Mais j'écoute mon intuition, même si parfois elle hésite. C'est pas facile de choisir entre rester ou partir. Là où je vais, y'a de la lumière sur la route. Là où je vais, je me perds mais je me retrouve. Si je tombe, tant pis, je suis vivant, c'est déjà ça. Là où je vais, je veux aller sans tourner les pas. Délaisser des voies, mais chaque blessure a laissé quelque chose en moi. J'ai compris qu'avancer, c'est accepter d'avoir peur, et parfois renoncer à des morceaux de bonheur. C'est pas facile de choisir entre rester ou partir. Là où je vais, y a de la lumière sur la route. Là où je vais, je me perds mais je me retrouve. Si je tombe, tant pis, je suis vivant, c'est déjà ça. Là où je vais, je veux aller sans tourner les pas. Et même si rien n'est sûr, je préfère les détours. On y trouve bien rangé, qui m'empêche d'exister. Là où je vais, y a de la lumière sur la route. Là où je vais, là où je vais.